se survole. Ton envol. Les frissons partout dans mon corps. Dans mon corps. Au loin, je te vois disparaître. De battant de cœur ensorcelé, de cœur. Au loin, je me surprends. Yeah.